Chapitre 265. L'autorisation de maudire les auteurs de péchés en général, sans désigner quelqu'un en particulier. Allah Ta'ala dit: Ala la'natullahi 'alaz-zalimin. Que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Sourate 11, verset 18. Un héros annoncera alors au milieu d'eux: que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Sourate 7, verset 44. Il a été établi d'après les traditions prophétiques authentiques que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit qu'Allah maudisse les femmes qui portent de faux cheveux et celles qui les posent aux autres. Il a dit de même, alayhi salatu wassalam, qu'Allah maudisse celui qui touche des intérêts. Riba. Il, alayhi salatu wassalam, a maudit de la même manière les dessinateurs et les sculpteurs. Il a dit par ailleurs, alayhi salatu wassalam, qu'Allah maudisse celui qui modifie les limites d'une propriété. Il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la malédiction d'Allah soit sur celui qui vole, même un œuf. Il a dit, alayhi salatu wassalam, encore, qu'Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Et que la malédiction d'Allah soit sur celui qui sacrifie un animal à un autre qu'Allah. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque y introduit, c'est-à-dire à Médine, une innovation ou donne refuge à un innovateur, est maudit par Allah, les anges et tous les hommes. Il a également dit, ô Allah, maudit Ri'lan, Dhakwan et Usayya, car ils ont désobéi à Allah et à son messager. Ri'lan, Dhakwan et Usayya sont des tribus arabes. Il a en outre dit, alayhi salatu wassalam, que la malédiction d'Allah soit sur les Juifs, car ils ont transformé les tombes de leurs prophètes en lieux de culte. Et il a maudit, sallallahu alayhi wa sallam, les hommes qui imitent les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Toutes ces paroles sont authentiques, certaines rapportées par Al-Bukhari et Muslim, et d'autres par l'un d'eux seulement. Je me suis contenté ici d'en indiquer quelques-unes, car la majorité d'entre elles seront citées dans leurs chapitres respectifs si Allah Ta'ala le veut.